SAMU de Paris, quand ils entendent son nom, les standardistes et le personnel font des méga bons. Ses angoisses suicidaires fatiguent la terre entière, elle a encore avalé une poignée de somnifères. Clarisse Ping-Pong exaspère le monde à la longue. Entre son meublé et l'HP, comment elle fait? Elle perd toujours ses tongs. Elle comprend pas comment les autres peuvent supporter le monde. Son corps ne peut s'écouler avec l'eau au fond de la bonde. Les hanches super larges de cette fille qui paraît barge fascine Sébastien, ce maso qu'elle tient en otage. Ses troubles alimentaires lui donnent la couleur de ce qu'elle mange. 3 kilos de carottes, sa gueule vire à l'orange. Elle n'a pas de tendance maladive, elle préfère juste les endives. Sébastien la ravitaille, pour Clarisse c'est mieux que les Maldives. Clarisse Ping-Pong exaspère le monde à la longue. Entre son meublé et l'HP, bon sang, mais comment elle fait? Elle perd toujours ses tongs. Après l'hôpital de jour, faut faire ses courses à Carrefour. Le médecin psychiatre lui a raconté que des enfants meurent au Darfour. Celui d'avant, un crétin lacanien, lui a asséné cette évidence. Dans Andy, il y a un délit, il faudrait bien qu'elle y pense. Elle a renoncé à l'amour, le sexe l'a fait fuir. Celle n'a qu'à bien se tenir, son désir à elle, c'est mourir. À sa psy, depuis 10 ans, elle dit qu'elle veut en finir. Une arme dans un tiroir, avec ce cure-dent, peut-elle s'anéantir? Clarisse Ping-Pong exaspère le monde à la longue. Entre son meublé et l'HP, comment elle fait? Elle perd toujours ses tongs. Tout le monde est si gentil avec elle, mais ça ne sert à rien. Pour leur dire combien elle est tout, faudra la retrouver morte un matin. Non, elle ne peut plus endurer cette stupide villa. Elle passe des heures métro Saint-Michel où elle rêve d'un attentat. Certains lui reprochent de faire beaucoup d'autocomplaisance. Elle dit rien, mais elle trouve qu'ils ont vraiment, vraiment de la chance. Elle pense que pour eux, l'existence est trop exaltante. Elle se trompe, la vie des autres est encore vachement plus navrante. Clarisse Ping-Pong exaspère le monde. Au prince charmant, elle a renoncé, la passion amoureuse, elle a cru y rester. Certains la voient psychotique, elle dit mélancolique, névrosée. De l'amour courtois et romantique, elle se nourrit, c'est sûr. Mais avec Sébastien, c'est l'amour moisissure. Médicaments plus télé, souvent elle s'endort. Sève en soulevant sa nuisette, en profite pour renifler le coffre au trésor. Le problème avec les mecs, c'est qu'ils veulent le refaire encore. Elle préfère nettement quand il se branle hors de son corps. Clarisse Ping-Pong exaspère le monde la longue. De son meublé à l'HP, comment elle fait? Oh, elle perd toujours ses tongs.